Un passager me conseille de passer puisque les barrières sont levées. Je l'écoute et je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B.